chaque mot. Le pango est fumani pour nayo. Ngenga loko la mwese na likolo. Riva RTC, comprenez mon émotion. Christian Nakwasa. Ma colonne c'est là, oh yo me ma kinaye. Et ça la kina danzo kari d'amour. Na koma ki pena salaki. Chouananga ki monoulou. Mokili mo bimba na monite. Kaka moko yo marke vinana. Na tipo na kondula. Yo maïla elle est quelle ngai amour na yo monono moi mon sousou na sala ikeleve na la parine tserongi ba komona yanga sentiment na bomba ndenge nini malade ya miso ya kala kala depuis e mon na yo en soi guérison ba palpitation ngai na bela kala bana to sona na sona biko ba je te menyo sona yo ka yo ka. Et toucha na momote mananga ite ata basangisi yango na bambongo elobela kanga yo lande kakare papa na merveille konti vraiment na monte maradusema na komi lokola nguma ameli moto na sokia wa mera mafuta efasi mama na usi mabe ya nankamba. Bako mikolo bayangai na yo ya kisi baso solite Texas kosi ngai madomba la temwana ma jova si il est pour nous qui sera contre nous basé la Saint Valentin a biso ya tous les jours et pas horoscope et kokana senti me konsala na tiki tiki na monte me konsala tuku tuku sokele ki e pesi ba fièvre na thermomètre foye banaka tema fisto mafina bisengo ya bana bida e matelinga amour na yo monono tuna atape pichike bana wili kabanga santi me kosala na jiki jiki na mote me kosala tuku tuku le miso moke komyo toki sangai makiyage ya tenyo soye kolongwa tonton kizi kitisa moke komyo lingi sangai makolo na kotambola ndenge nini exofriche takiye celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La fontaine chauffe et pas yakoulé na Jean-Marie. Ce n'est pas facile qu'on sala choua monte banabisa les lignes se contana. Bolingo yona yamba lokola mokiswa koyamba molimo santo. Soki alomi akei mobembo ata raison de service na impasi. A caprice na yengai na mesana. Absence na yete présence na yekaka. Kozanga yena koko kate. Jok Santer wapi jipebe manga noko ya bane bele. Bolingo yanga na gimokoti nane nouvela ka chaque seconde. Soki nazala ki ata eva mele noka koka ki ata te. Moto ya bolingo atambula ya 40 jours et si mate. De Baba Raza Ernest Kouti Nadette Kakoma. Ça va ma fille. Lili onema automatique. Kisi ya estoma na makombo kimokonzi. Na kolo kaliso su farmaciti na nini. Funga pe chauffage na ngai kakaraye. Na kobanga elanga to iverti na nini. C'est tout à fait normal ba lula lula yo. On sa chéri a bien otona ba tendresse. Montona diare a banga kamo ilite. Na ebibo konsinye kakabo me kanzoto. Kasi boye ba s'il vous plaît asa yanga yolande. à bon entendeur sali. Qui mon nounou mokoti chéri nangaï boya ba chance. Charlie Boye. Bolingo lokola kiti ya bokonzi se moto moko. Tour d'Afrique mon nounou. Mon pépé ekumba yo misika ya mabete. Loboko na nzambe ezala toujours na yo. Guy Laredo. Chérie, encore une fois s'il te plaît. Mais son mama et ma commune au col à moi la bébé. Son cœur c'est qui n'a toi mettre la comme on a yoté na colela. Comprends vanga. L'amour et le coin au bonheur. Y'a n'a y'a y'a éco si la tête. Éco si la tête. Y'a y'a n'a moi j'aime comme ça. Joli biclac papa Nadan. Pour les cannabis au libosso, la simanzela et à t'sais. Yo Chihuahua, si cabana batote. Son la tempo. Bidel, Ezakan passé. Biwa Kolo Malili, système kaka vite fait. Anselme les pétroliers. Tobinaka. Nicole maman a souci, eh. Adela maman a Josué. Chacun le kiangana.